never have to see the day again. Laisse faire, Marie-Louise, fais-en quoi d'autres toasts, je vais les gratter. C'est toi qui t'es mis ça dans la tête que je veux que tu me copies. Je veux pas que tu me suives, hein. Je veux juste que tu sortes d'ici, que tu sortes de tes rêves un peu. C'est pas des rêves. Tu le sais que c'est pas des rêves. C'est ce que tu fais, toi, qui es un rêve, Carmen. C'est toi qui vis dans le rêve. Il reste une heure de pinette. Si c'est toi qui vis dans la réalité, ouais, ben j'aime le rêve. C'est-à-dire, on a acheté un pot neuf, l'autre était vide. Ah, c'est ça, c'est ce que t'es. Je t'ai pas demandé de te réveiller. Ben, sans-le. Il reste un peu de smoothie, Léopold. T'en penses, il est pas cheap. Il n'avait plus de smoothie, maudit. Maudit que t'es bête. Tu vas pas me faire une scène pour 6 scènes. Allez, ça, je suis bête. Vous l'avez toujours dit. Certain que je vais te faire une scène. Bon, c'est pas le beurre de pilote qui est le plus cher, c'est c'était caché. Qui coûte 69 cents la livre au lieu de 49. Puis quand ce passé caché, c'est d'autre chose. Puis tu t'arranges toujours pour me redemander de l'argent de marnier. Tu m'en donnes pas assez. Oui, je t'en donne assez. J'en donne même trop. Tu le sais combien je fais par semaine à suer comme un Christ en croix, en arrière de ma crise de machine pour vous faire vivre. Ah oui, je le sais que tu fais un salaire de crève faim. C'est pas une raison pour te priver de part depuis notre crunchy. Quand tu suis comme un Christ en croix en arrière de ta crise de machine, dis-toi qu'au mois de main, tu vas manger du porc depuis notre crunchy au lieu du porc depuis notre smoothie. C'est déjà mieux que rien, bâtard! Thank you.

She don't know what you do to me. Indeed, she don't know what to do to me. Your stomach to your spine. It's all right, it's all right, it's all right. You look fine. Horsewhip you for me. Which is love runs down your thighs. Throw your arms around my neck and throw the rest against my chest. You woke up with your hands down someone this stretch pants. Hold your breath till you black out. Wash his taste out of your mouth. Surprised you could stomach it. A man you can never be, but just as a